La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalia, matinalienne de 18h. J'espère que vous allez bien autour de cette table et puis même autour de dans la voiture qui vous entoure, parce que généralement on nous écoute quand on est dans la voiture. C'est bien ça? Voilà, ça va Jocelyn? Ça va et toi Tristan? Oh bah écoute, ça va très bien, on a pu mettre plein de belles musiques. Ah bah ça fait plaisir. Ce qu'il faut savoir c'est que quand Jocelyn arrive en retard, il a pas le droit de mettre ses musiques. Et ça fait combien de semaines que je mets pas de musique? C'est quoi, c'est la première semaine je crois? Je suis jamais arrivé en retard encore. Je réfléchis, t'es jamais arrivé en retard? Non, c'est ça. L'émission a commencé avant certes, mais jamais en retard. T'as vraiment de la chance que les stagiaires tournent à chaque fois pour pas se rendre compte que t'arrives en retard à chaque Quelle fois. Quelle chance j'ai. C'est ce que je me dis en me levant, je me dis aujourd'hui j'ai de la chance, un stagiaire va pas me reconnaître. Salut Nicolas, ça va? Tranquille, ça va bien. Ah ouais, le mec vraiment blasé quoi, tranquille, ça va bien. aucune envie de... un rappeur quoi. Le mec, c'est sa première émission de radio. Ouais, c'est bon, saoule-moi pas, s'il te plaît. On peut parler des news. T'es stagiaire jusqu'à quand? Stagiaire jusqu'à vendredi. Vendredi. Jusqu'à demain. Demain. Lol. Mais oui. Mais oui, on est jeudi. Mais oui, voilà. Hey James, ça va, James? Ça va. J'ai juste une petite question en termes de jingle. Donc, on a oublié les bons jingles qu'on avait la semaine dernière. C'est fini, ça. Parce qu'en en générique de début, on en avait un. Oui, oui, il était génial. Il était vraiment bien. Je même si j'aime bien la voix de Gaëlon, hein, mais à un moment donné. Ah, attends. C'est jeudi prochain, quoi. Ah bah alors attends voir, je vais t'en mettre un alors. Un autre? Allez, un autre? Je veux bien, ouais, merci. Bon alors attends. Hop, et c'est parti. Ah. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Ah, il est mieux. Ah, c'est quand même un. Avec ça, renvoie, ça. C'est un monde. Hein. Ah, ouais. On est d'accord. Autant pour moi, je pensais que c'était juste les jingles intermédiaires que l'on avait refait. Enfin, que Fadjet nous avait refait faire. Mais non. Alors, non. Ok. Voilà. Voilà. Donc, Jocelyn, tu auras droit à mettre une musique de ton choix si tu veux. Yes. Non, non, pas tout de suite. on va déjà attaquer avec le journal, parce qu'on a plein de choses à voir aujourd'hui, mais on va attaquer par le journal. Je me mets juste le journal directement sous les yeux. C'est parti. Il est 18h passé de quelques minutes, c'est le journal présenté par James et par Jocelyn. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales avec James. Après la moutarde, l'huile et l'essence, le gouvernement avertit que la prochaine pénurie sera celle des trucs en plastique qu'on met dans les bocaux de cornichons pour éviter de se mouiller les doigts. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la création de 12 usines à fabriquer des trucs en plastique qu'on met dans les bocaux de cornichons pour éviter de se mouiller les doigts. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que les trucs en plastique qu'on met dans les bocaux à cornichons pour éviter de se mouiller les doigts doivent redevenir une production française et qu'il est temps d'arrêter de dépendre de l'étranger pour nos trucs en plastique qu'on met dans les bocaux de cornichons pour éviter de se mouiller les doigts. Clairement, face à l'annonce de nombreuses villes françaises de ne pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant, le Qatar riposte. En effet, le Qatar a annoncé ce mardi qu'il ne diffuserait pas non plus les matchs de Ligue 1 sur écran géant. Les 12 supporters de football français basés au Qatar se sont dit déçus mais comprennent qu'une riposte d'envergure était nécessaire. Alors attends, c'est celle-là. Oui, un moustique retrouvé dans la chambre d'un chroniqueur de Fadjet hier soir. Et oui, c'était hier soir vers 23h30 que le moustique a été détecté en volant proche de mon oreille. Ah, c'était toi? C'est moi. Oui, ah, oui. D'accord. Le suspect a été immédiatement emprisonné dans un verre. C'était Gallon. Ah non. Non, c'est le moustique. Ah d'accord. Okay. Oui, non, mais Gallon a la capacité de se transformer en moustique. Ah d'accord. Ça va. Bah, je savais pas. Il a été enfermé en tout cas dans un verre. Et il a été interrogé sur les raisons de sa présence en plein milieu du mois d'octobre. Ouais, hein, on se demande un petit peu pourquoi, mais par manque de chef d'inculpation, il a été relâché ce matin dans ma fenêtre de devant. Très bien. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Après sa victoire 17-0 en Coupe de France face à une équipe de district, l'AS Nancy-Lorraine a décidé de repartir en championnat 5 divisions en dessous pour enfin gagner des matchs. C'est une technique qui fonctionne et que le président de l'ASNL compte bien user. Le moral des joueurs était au plus bas, explique-t-il, et a enchaîné 2 victoires. Ça n'était jamais arrivé au club depuis mars 2004. Un rebond donc pour le club en péril. Vu le nombre de travailleurs mosellans qui vont y travailler tous les jours, le Luxembourg a décidé de lancer un référendum en Moselle pour annexer ce département. C'est près de 65% des travailleurs du département qui font matin et soir le déplacement. Dans une volonté d'économiser les émissions de CO2, le Luxembourg a lancé ce jeudi un référendum. S'il passe, c'est des cigarettes moins chères et un accent plus fleuri qui devrait redonner de l'attrait à cette nouvelle région anciennement redoutée. Affaire à suivre. Oh oui. Je suis désolé, j'ai inversé l'ordre des titres. Hein. C'est pas grave. J'ai bien vu à ta tête. Hein. Le prix Nobel de physique décerné au Romary Montain, Jackie Cuny, pour son travail sur les ricochets avec des morceaux de grès des Vosges. Jackie, passionné par les ricochets depuis tout jeune, est passé d'une simple passion à un prix Nobel, en effet. Ses recherches permettront un futur énergétique plus propre grâce à la force de rebond sur l'eau du grès des Vosges, maintenant reconnu. Très bien, merci. Merci pour ces informations. On passe, c'est la fin de ce JT. On dit JT, Nantais, c'est télévisé. Donc c'est la fin de ce JR. De ce JR, ah oui. Prochain JR, vers 18h30. Par là quoi. On passe tout de suite à la météo. La météo. Loin sont tes souvenirs de camping. De plus en plus durs se font tes footings. Tu as troqué le short pour le jogging. Les arbres sont nus, les nuages en smoking. Et toi dehors, tu te sens en string. La pluie, seule musique de ce dancing. Oublie ta capuche, perds ton brushing. Les températures opèrent leur lifting. Lentement en toi, comme un travelling, se crée l'angoisse et le feeling que bientôt winter is coming. Waouh! C'est tellement beau! Ah ouais, non mais bravo! Ah, c'est bravo. Fort, c'est très fort. C'est parce que je regarde House of Dragons en ce moment. C'est vrai? C'est la suite de. Enfin, la préquelle de Game of Thrones. D'accord, bah, bravo. Tu as le droit de garder la main pour l'éphéméride parce que qu'est-ce qui s'est passé un 13. C'est vrai ça? Hein un 13 octobre. Mais ça tombe bien, j'ai exactement préparé l'éphéméride en mais entier non, d'aujourd'hui, du 13 vrai octobre. C'est mon job, hein, évidemment. Je fais la météo plus l'éphéméride en c'est général. Vrai. Et moi, rien. Voilà. Comme d'hab. Bah oui, non, bah. Et vraiment, encore plus pour te remercier, tu nous as parlé de Ophélie Winter. J'ai exactement parlé d'Ophélie Winter. Tu m'as donné Ophélie la foi. Winter is coming, ouais. Allez, on se rejoint, on se rejoint, on se retrouve juste après Ophélie Winter. Et on se rejoint ici. J'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjen. L'éphéméride de 18h sur Fadjen. Aujourd'hui, jeudi 13 octobre, nous souhaitons une bonne fête à tous les Géraud. Parce que j'en connais un. Tu connais un Géraud ? Géraud Cambournac. Jean Cambournac ? Géraud Cambournac. Et il est connu pourquoi ? Parce que c'était le président d'un syndicat national de courtiers en financement immobilier. Ok. Géraud, ça s'écrit Géraud ? G-E-R-A-U-D. Personne ne s'appelle comme ça. Ah ouais, d'accord. Si, à part... D'ailleurs, je dis bonjour à Géraud. Géraud Cambournac, on lui fait plaisir. Il y a aussi le docteur Géraud dans Dragon Ball Z. Mais c'est son nom de famille. Ouais. Et là, c'est le prénom. Ok. Mais ça marche. D'accord. Azimut est à plus 33 degrés 18 et le crépuscule civil est à 17h37. La lune est en phase gibbeuse décroissante. Sacha Baron Cohen est né aujourd'hui. Ah ouais ? Mais en 71, oui. Sacha Baron Cohen. Ah, il a juste 3 ans de plus que moi, d'accord. Bah oui, tu peux redire ton truc sur le crépuscule Quand j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé un peu durement. Et, Tu veux dire, t'as recopié Wikipédia. Recopié Wikipédia parce que c'était pas sur Wikipédia. Sinon, j'aurais pu le faire. Azimut est à plus 33 degrés 18. Ça veut dire quoi ça ? En fait, azimut, ça va être une étoile qui change un petit peu. Mais non, azimut, c'est la position du soleil. C'est qui fait l'éphéméride ? Non, c'est pas ça. L'azimut, c'est le point extrême d'une trajectoire elliptique. Ouais, c'est ça. Nicolas, tu t'en penses quoi, toi ? Moi ? Ouais, toi. Pas Nicolas, Nicolas. T'en penses quoi ? Moi, j'y pense de quoi ? J'ai rien compris. Nicolas, si je te dis azimut, t'es à plus 33 degrés 18 et le crépuscule civil est à 17h37. C'est trop français ? Ouais. Trop technique. Ça, on le dit pas souvent. Le crépuscule, t'as dit quoi ? Le crépuscule civil est civil. À 17h37. Voilà. Parce qu'il y a le crépuscule, civil et religieux. Et militaire, je pense. On peut enchaîner. La lune est en phase gibbeuse décroissante, ça pareil, je sais pas ce que ça là, veut dire. J'ai eu l'impression que tu avais dit gibbedos dans ta phrase. Gibbedos décroissante. Ouais. C'est ce que j'ai dit. D'accord, en phase gibbedos. Mais alors pourquoi de manière décroissante. Pourquoi ? Oui. Pourquoi gibbedos en manière décroissante ? Bah si je te disais si je te dis gibbedos, tu penses à quoi ? Tu penses qu'est-ce rire qu'il a fait ? Rire à gauche. Tu rire à gauche, ben voilà. La phase gibbeuse décroissante, c'est la rive c'est ça arrive, quoi. Par la gauche. Sacha Baron Cohen est né aujourd'hui, mais en 71, donc 3 ans plus vieux que toi, Tristan. Donc il a 51 ans. Exactement. S'il avait. C'est un petit jeune. C'est un gamin. T'as regardé un de ses films récemment ? Récemment, non. J'en ai vu pas mal. Moi, j'en ai jamais vu un seul. Mais non. Non. Nicolas, absolument rien à faire. Nicolas, est-ce que tu as déjà vu Sacha Baron Borat. Bruno. Borat 2. C'est un espèce de grand mec kazakh. Il est kazakh ? Non, il est anglais. Ah bah oui, ah, Borat. Non mais Borat, c'est le personnage. Borat, ouais, oui, voilà. Mais je pensais qu'il était kazakh. Non, Borat. Ok, d'accord. Et qui est mort aujourd'hui ? Qui est mort un 13 octobre ? Alors, c'est de la famille. C'est la famille d'un acteur hyper connu français, émigré. Il s'est barré de la France pour aller vivre dans un pays qui est actuellement en guerre. Ah, c'est Guillaume Depardieu. Il est mort un 13 octobre. Ok. Et c'est aujourd'hui. Bon. C'était en quelle année, tu l'as ou pas ça ? Je l'avais. 2004. Je l'ai pas noté, mais je l'avais. Merde. Cherche voir Nicolas, on va peut-être le retrouver. Nicolas. Bon. Et si je devais donner un dicton, aujourd'hui, la Saint-Giraud. À la Saint-Giraud, évitez les Giraud. Voilà, c'était le dicton du jour. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que c'était un bon dicton. C'est quand t'as mangé, t'as des légéraux. Ouais. Voilà. Donc, on passe à l'horoscope, je pense. Il y a beaucoup d'humour dans cette émission. Bah, pas le bon, en tout cas, mais il y en a beaucoup. Il y a juste Nicolas qui est pas du tout mort de rire, qui des fois se colle un téléphone à l'oreille. Je sais pas pourquoi. Pour écouter des blagues drôles. C'est parce qu'il écoute les messages vocaux, c'est ça ? C'est ça ou c'est pas ça ? Dis-le, Nicolas. C'est ça que je comprends pas, moi, sur les téléphones. C'est high-tech. Ouais. Et pour écouter un message vocal, on peut pas le mettre là où on écoute quand on parle à quelqu'un ? C'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de parleurs ? On a l'air vraiment con quand on a le téléphone comme ça. Enfin, si tu le fais, non, mais en fait, c'est mieux que les lettres. Hein. Que les lettres ? Ouais. Oui, d'accord. Non, mais pourquoi on repasse pas le son de l'appel vocal, ne repasse pas en haut et sort forcément. Parce qu'il sort. Mais même quand tu fais un appel téléphonique, il passe par le même endroit le son. Mais non ! C'est vrai. En haut. T'écoutes comme ça, ton c'est téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Oui, t'écoutes comme ça, mais c'est juste que ça, c'est l'habitude des... J'espère que vous voyez à la radio. Oui. Voilà, t'écoutes comme ça. Mais c'est l'habitude des vieux téléphones où l'écouteur était en haut. Mais non, je pense que l'écouteur est en haut. Mais non, l'écouteur est en haut. Il y a un mégaphone en haut. Bien sûr. Mais en fait, tu le mets... T'as ton truc là, Et t'as ton truc là. Oui, alors t'as pourquoi, deux trucs. Pourquoi on écoute là quand c'est un vocal? Et là, pourquoi on écoute là quand c'est une discussion? Si tu, le mets, si tu le mets là et que tu le mets là en même temps, le truc c'est que ça sert à rien de le mettre là et là. S'il est là. Sauf tu vois ce que je veux dire? Je suis là. J'espère que vous suivez les auditeurs quand même. Dites-le dans les commentaires. Prenez votre téléphone. Si vous prenez l'endroit qui est là. On va continuer pendant Noir Désir. Et après, Nicolas, je te fais ton horoscope. On s'occupe de toi, ouais. Ouais, ton horoscope. Il lui a dit d'un air menaçant. Ouais. Tu vas voir Azimut. Non, mais pas là. Désir, le vent nous portera. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille. Sur Fadjet. Alors, je n'ai pas rajouté le son, je n'ai pas rajouté le son. J'ai jamais entendu celui-là. Mais non, moi mais plus. Non, attends, attends. La matinale incroyable. Des 18h. L'émission qui vous réveille. C'est un dernier. Sur Fadjet. Pourquoi il y a un cri? Je sais mais pas. Si, parce qu'elle a dit sur Fadjet très fort et sur ça Fadjet a réveillé la personne qui ronfle. Ouais. Mais tu te réveilles comment, toi? La matinale des 18h. L'émission qui vous réveille. Sur Fadjet. Ah oui, c'est horrible. Tu comprends? Je comprends bien. Il y a une vraie histoire, ça raconte quelque chose ce jingle. La différence avec ça. Ah oui, non, c'est pas le même. C'est pas le même, mais ouais, je pense que c'est un peu le même. Qu'on a... Sur Fadjet. Celui-là, il me donne des frissons. Ah, tu vois, ça fait peur. Il donne des frissons à Nicolas. Ça fait peur. Ah, pardon, Nicolas. Ah, ouais, mais c'est son horoscope que tu manges. Oui, je suis en train de flinguer son horoscope là. L'horoscope de Nicolas. De 18h. Sur Fadjet. L'horoscope de la matinale de 18h, c'est toujours avec James Jocelyn et Nicolas, notre stagiaire de la semaine, puisqu'on a un problème, c'est qu'on use nos stagiaires, c'est-à-dire qu'ils sont bons à jeter au bout de tous les 15 jours, en fait. Hein. Mmh. On n'a jamais réussi à avoir... Déjà eu des stagiaires deux fois. Deux fois ? Ah ouais ? Ah ouais, c'était vraiment Mais ils étaient payés la deuxième fois, je crois. Oui, je crois que c'est ça, et c'est pour ça qu'on a mis fin. D'ailleurs, les stickers, ça n'allait plus, ils nous auraient coûté de l'argent. Bon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'horoscope. Alors, l'horoscope de Nicolas. Hein. Nicolas, la thématique en fait de cette émission, c'est qu'au moment de l'horoscope, on fait toujours l'horoscope du stagiaire. Tu nous as dit que tu étais du signe du poisson. Oui, ça. Ça tombe bien, c'est un bon signe. Quelle chance. Ouais, bah oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah, une chance sur 12. Il y a qu'un poisson. Ah bah oui. Et tu nous as dit que tu as des projets. Tu peux nous parler de ton projet principal? Du coup, j'ai fait mon CV. Ouais. Je vais partir à Maxéville. Okay. Une entreprise qui fait de la peinture, c'est-à-dire des façades. Il peint les portes, les fenêtres. D'accord. Peinture en bâtiment. J'adore quand tu dis je vais partir à Maxéville parce que on sent le baroudeur quoi. c'est pas pour l'expédition. Le voyage, il a fait son CV, son sac. Moi je vais à Maxéville, je vais faire de la peinture. Alors, on va voir. Alors, je suis désolé, hein, mais en travail, je lis l'horoscope d'aujourd'hui de l'Est Républicain. Légère déception en cours de journée. Rien ne semble aller comme vous le désirez. Cela vous contrarie. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu sens que, parce que c'est, on va dire que c'est aujourd'hui hein, ton rendez-vous à Maxéville, que tu as réussi à te télétransporter jusqu'à Maxéville, ce qui n'est pas une mince affaire en soi. C'est pas facile. Ouais. Non, tout le monde ne veut pas aller à Maxéville. Ah, d'accord, essayez. Clairement, non, moi j'y suis allé une fois en vacances. Enfin, une fois par erreur, moi, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, qui pourrait ne pas rouler comme il faut? Le patron. Ah, pourquoi? Parlons-en. Parce que quand c'est bâtiment, tout ça, c'est les patrons blédards, du coup. Ah ouais? Ouais, oh là là. Ça envoie la patate. Ah, ok, d'accord. Faut être sérieux, faut être à l'heure, faut l'écouter. C'est tout toi ça. Et tu te sens pas sérieux, tu te sens pas à l'heure ou quoi? Ni écouter, si, quand même, tu m'as l'air. Je suis ponctuel, je suis volontaire. Mmh. Et par contre, faut pas qu'il abuse sur les insultes. Oh là, mais ça reste un patron. C'est un patron. Il a le droit de faire quelques insultes, mais ne pas abuser. Voilà. C'est ça. Voilà. On rappelle au patron ne pas abuser sur les insultes. Quelques limites par jour. Là, le strict nécessaire. Attends, mais n'allons pas au-delà. C'est une limite en quantité d'insultes que tu reçois ou c'est en niveau d'insultes? Ah ouais. Niveau d'insultes. Ah ouais, niveau d'insultes. D'accord, mais si t'en dis genre une toutes les quarts d'heure mais qu'elle est ok, t'es ok ou pas? Non. Non, voilà. Bon, d'accord. C'est quoi ta limite? Hein? C'est quoi ta limite? Ton record? À la fin. Avant de t'énerver. De me parler de mon pays, ça c'est la dernière limite. De dire d'où je viens. On précise quand même aux auditeurs que Nicolas est bosniaque, il vient donc de Bosnie et que je le dis parce que c'est impressionnant, il est en France que depuis 7 ans. Voilà. Ah, et il a pas d'accent en fait. Ah non, c'est aucun. C'est un truc de fou. Et tu parles allemand et tu parles anglais. Espagnol, français, serbe. Et un peu de russe. Et allemand et anglais. Son surnom c'est Duolingo. Hein. C'est une chouette. Ouais. Alors c'est pas une insulte, hein, Duolingo. Ça sera dans un quart d'heure. À Duolingo. Bon alors, effectivement ça va être un peu compliqué. Mais si c'est légère déception en cours de journée, c'est que c'est peut-être juste une insulte. Oui. Et ça va décevoir, mais pas tant quoi. Au moment de la pause repas par exemple. Bah, ouais, si moi je suis sérieux, je fais bien mon travail. S'il m'insulte pour rien, bah. Ah bah non. Ah oui, clairement, clairement. C'est ça. Mais c'est pas ta journée quand même parce que santé c'est moyenne. Je sais pas si tu te sens de santé moyenne. Bah hier je suis chez moi, j'arrivais plus à me lever. Hier mercredi. Voilà. Et voilà. Et hier, c'était au fond. Là, c'est moyen. Donc, demain, c'est top, quoi. Ok. Tu es sur une voie de progression et c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut. Et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter sur cette. Attends, mais t'as pas lu les amours. Il y a non, parce que le love, là. Non, mais je suis toujours motivé. Jamais je suis fatigué. En amour. Sauf hier, non. Parce que t'étais couché. Ça, c'est privé. Non, parce que ouais. C'était positif, c'est l'amour. Privé. C'est pour ça que je voulais pas le dire, pour rester sur un truc vraiment. Morose. Non, mais attends, mais t'as envie de savoir un peu comment ça se passait en amour ou pas? Avec le patron ou quoi? Non, en amour. Avec les demoiselles. Ok, d'accord. Alors, des émotions diverses côté cœur. Vous êtes heureusement très équilibré. Donc même là, c'est pas top encore. Hein. Ouais, mais c'est quand même heureusement très équilibré. Il faut rester optimiste. Tu te sens équilibré côté cœur ou pas trop? Ça va. Ça va. Hein. Ouais. Ouais. Si t'avais la capacité de changer de signe, tu prendrais quoi? Rien. Il est parfait. Poisson rien. Il est parfait. Okay. C'était un aficionado. Là, peut-être Lyon. Peut-être Lyon, mais... La ville. Ouais. T'es Lyon, toi, je crois. Non, je suis cancer. Déjà, je suis trop agressif. La maladie. Je serais Lyon, je serais encore pire. Ah, bah là, oui, clairement. Mais Lyon, c'est pas mal. Vous êtes actif et motivé, totalement absorbé par votre travail. Vous en oubliez de vous détendre. Manque de sommeil, hein, même. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Tendu ouais, c'est et manque de sommeil, c'est top. Bon. Lyon, quoi. Bon, alors, courage pour le bâtiment, oui, pour demain. Merci. Et ça va le faire, tu vas voir. Et les patrons n'insultent pas tous. Et on rappelle aux patrons de ne pas insulter. Pas trop. Non, pas trop. Il est quelle heure là? Je sais pas, 18h et quelques. Oh là là, c'est bientôt le journal. Oh là là. Et oui, juste après M. Machistador, à la demande de Jocelyn, bien c'est sûr. Faux. Un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machista girl. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de l'or. Oh, machista girl. J'aime ma brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade pas beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus. Qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa team et sur un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de l'âge. Oh, machiste adore. J'ai le mouvement en poche. Et d'un pas pragmatique, je pratique la drague. Mais ma poitrine est imberbe. Il faut y remédier. Pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne. Avec un long manteau, un chapeau. Non, pas la peine. Même les jeux difficiles, j'ai toujours les mots piles. Et si ça machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas d'erreur. I'm macho, machista, dor, macho, macho. Macho, macho, machista, dor, macho, macho. Ale macho, macho, machista, dor, macho, macho. Macho, macho, machista, dor, macho, macho. M, machista, dor. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Bah celui-là, j'aurais peut-être dû le garder pour décembre. La matinale de 18h. Ça fait un peu Noël, je trouve. Ah, je trouve que ça fait un peu... La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Ouais, peut-être un peu Noël. Ouais. C'est l'heure du journal. Oh my god. C'est le deuxième journal Flash Info de la matinale de 18h. Il est 18h30 et quelques. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales avec James. Est-ce que c'est le bon ? Non, c'est pas le bon, c'est là. Après l'échec de l'envoi de Bernard-Henri Lévy en Ukraine, la France annonce deux nouveaux émissaires. C'est le tandem de Chevalier et Laspalès qui a été choisi par la diplomatie française pour tenter de ramener Vladimir Poutine à la raison. On les écoute au micro de l'AFP. Bon, on va lui dire, hein, Vladimir, bah dites donc mon vieux, ça va pas à la tête ou quoi ? Tu veux des problèmes ? Ah oui. Ah, mais et tu ne nous fais pas Laspalès ? Bah si, c'était le deuxième. Mais c'est pas Chevalier là que t'as fait ? Si, le premier. T'as fait le petit ou le grand ? Bah on va lui dire à Vladimir, bah dis donc mon vieux. Ça c'est le grand là. Ok. Là, ouais. Bah ça va pas la tête ou quoi ? Tu veux des problèmes ? Ah ouais, ça c'est le bien. Il est bien fait le deuxième. Tu le dis, ok d'accord, je comprends. Non, parce qu'au début j'ai cru que t'avais fait les deux mêmes, c'est pour ça. Face aux actualités sur l'insécurité à Nantes, le groupe Tragédie menace de sortir un nouvel album. Le groupe originaire de Nantes s'est déclaré exaspéré que l'on médise sur l'insécurité à Nantes et s'est dit prêt à passer en studio. Les forces de police et les délinquants ont aussitôt convenu qu'ils allaient être plus gentils dorénavant. Et puis conseil, avec un conseil pour bien siphonner la voiture de votre voisin. Alors vous aurez besoin d'un tuyau quelconque, d'un jerrycan pour recueillir le liquide. Pour plus de tranquillité, n'hésitez pas à simplement assommer votre voisin avec une batte ou avec un vase pour avoir plus de temps. Ça Nicolas il aime bien ça. Ouais il aime bien. Tu prends un pistolet et balle à la tête. Ou également, des autres conseils à base de pistolet effectivement. Veillez à bien vous rincer la bouche après le siphonnage effectué et n'oubliez pas d'uriner dans le réservoir pour remplacer le liquide prélevé et ainsi être complètement transparent sur la manœuvre. Utilisez les gants parce que sinon vous laissez toutes les empreintes. Voilà. Ah ouais, d'accord. On a des grands experts ici chez Fadjet. Oui, merci. Et en plus, c'est une solution écologique hein, ce que tu proposes. Bien sûr. Oui. Et économique. Merci. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Oui. Cyberattaque du compte Facebook du foyer rural de Harouet, la Russie suspectée. Des dizaines de noms de crownés ne recyclant pas leurs déchets ont été publiés. Une guerre civile a éclaté au sein du foyer rural. Les écolos sont furieux. Une enquête a prouvé des adresses IP russes se connectant au compte. Merci pour ces infos. Le dossier du jour, une claque d'un député de gauche est-elle moins grave qu'une claque d'un député de droite ? Avant d'ouvrir ce dossier, je tiens à rappeler que claquer un député ou quelqu'un d'autre est déconseillé, voire interdit. Mais si vous deviez en claquer un, préférez un de gauche, ils sont moins aigris et vous n'auriez sans doute aucun problème avec la justice. Mais c'est sans risque. Ce n'est pas sans risque, un retour de claque qui est possible. C'est ça aussi. Et ça serait le malvenu. On termine avec une page sport. Victor Wembanyama. Vous connaissez Victor Wembanyama. Pivot de l'équipe de France. Un basketteur qui fait 1m21 et dont les États-Unis ne font que parler puisque l'année prochaine, il arrivera aux États-Unis. Il joue actuellement à Paris. Le pivot de l'équipe de France de basket mesurant 221 cm a refusé une offre d'embauche de cueilleur de pommes de la coopérative agricole de Saint-Tré. Cueilleur de pommes est un métier où les grands sont les plus représentés, mais le personnel manque et les maraîchers sont obligés de débaucher dans d'autres secteurs de grands. C'est le cas pour Victor, à qui on avait proposé 1 453 € net mensuels pour cueillir des pommes du verger de Saint-Tré. Et c'est là qu'on ne comprend pas, c'est que c'est un CDI qui lui a été proposé, ouais. Alors qu'il va partir aux États-Unis, certes pour gagner beaucoup plus. C'est dingue le melon des gens, je comprends mais, pas quoi. Mais voilà, non, mais là il va être sur un contrat de 3-4 ans aux États-Unis. Oui, mais bon, entre être pivot ou cueilleur de pommes, le choix est vite fait. En tout cas, à mes yeux. C'est-à-dire ? L'un ou l'autre. D'accord. Oui, très bien. Jocelyn qui se mouille énormément. Mais bon, voilà, c'est le problème avec les jeunes maintenant. Et il n'y a là pas de l'argent, alors que là, on leur proposait un CDI à la garantie de l'emploi jusqu'à la fin. Et puis, Saint-Tré, quand même, c'est super sympa. On est d'accord. La météo ! La météo. Et top expression de deux mots de la langue française. Je suis constitué d'un verbe impersonnel et d'un pronom personnel. Je suis répété deux fois dans une chanson tirée de l'opéra comique L'Or et Pétrarque de Fabre d'Églantine datant de 1780, suivie par le mot bergère, expression utilisée lorsque le temps est maussade et qu'il faut s'apprêter à sortir avec un parapluie. Je suis quelqu'un. Pipi. Tenez la bergère. Pipi bergère. Non. Il pleut. Bravo, oh là, bravo Tristan. Trop fort. Il pleut. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'étais sur Tenez la bergère. Pour en faire quoi, je sais pas. Ouais, un mauvais film. Ouais, effectivement. Donc, en plus, en général, les bergères se tiennent toutes seules. Hein, c'est vrai. Et très bien d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, 1000 excuses pour les bergères de France. Ah, mais c'est Tenez tes blancs boutons. Non, il n'y a pas un délire. Tenez tes blancs en non, neige. Non, percez tes blancs. Des blancs boutons. Ah oui. Voilà, et juste ça, ouais. Pour préciser, on aura la semaine prochaine des conseils pour bien tenir sa bergère. Mais dans la matinale. Dans la matinale. Ah ouais. Pourquoi? Ça sera la voisinade. Ah oui, ça sera la voisinade la semaine prochaine, c'est pour ouais, ça. C'est ça. Ok, sûrement. Très bien. Vous l'attendez tous depuis le début de cette émission. C'est le retour de l'émission Les Grosses Fesses avec nos trois chroniqueurs. Je rappelle, hein, Jocelyn, Nicolas l'éphémère et James. Tu as parlé de tragédie ? Ouais. On reste sur tragédie. La matinale de 18h. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai. C'est toi qui te permets de crier sur tragédie là ? Non, pourquoi ? C'est ma tante du coup. C'est Nicolas, je crois. Putain, t'assumes pas du tout quoi. Moi, j'assume pas. J'allais accuser. On chante pas sur tragédie. Alors, ok, je d'accord, c'est pas. Pas le groupe tragédie, mais c'est tragédie quoi. Groupe tragédie que tu, dont tu viens d'apprendre l'existence. Ouais, c'est vrai. Hein, ouais. Faut préciser. Clairement, du coup, alors oui, je vous mets tragédie après les grosses fesses. C'était à 18 ans quand même. 18 ans d'ignorance. Et c'est l'émission Les Grosses Fesses, l'émission ce qui vous parle de l'actualité de la semaine dernière sous forme de questions, ou pas forcément d'ailleurs, avec autour de cette table, Jocelyn. Oui. T'as fait une feinte. Ouais, j'ai fait une feinte, j'ai regardé ouais. James. James. Oui. Ouais, et Nicolas. Ouais. Ouais. Heureux. Ouais, heureux. Heureux qui, comme Nicolas, va faire un périple à Maxéville. Vous pouvez réécouter l'émission en replay si vous voulez repasser ce moment où tu parles de ce périple quand tu vas à Maxéville. Allez, tout de suite, une question et une énigme. On part au Canada avec un village de 83 habitants. Et dedans, dans ce village, il y a, allez, je vous le dis, une statue géante. Mais une statue, et qui attire le public, les visiteurs. Elle représente quoi, cette statue géante ? Un sapin. Est-ce que c'est un non, personnage ? C'est pas un sapin. Alors, c'est un morceau de personnage. C'est... Statue genre... de liberté. C'est pas... Non, c'est pas... Non, parce que là, la statue de liberté, c'est tout le personnage. Ah. Là, c'est vraiment qu'un morceau. Est-ce que c'est le nez de Trump ? Alors, c'est pas cet endroit-là de la tête. Est-ce mais que c'est la tête, alors ? C'est une bouche ? C'est un œil. C'est pas dans la tête. Ah, c'est pas cet endroit de la Est-ce tête, c'est pas la c'est tête. C'est un appareil génital ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un sein ? Non, pas du tout. Dommage. Ah bah, c'est une main, alors ? Oui, tout à fait. Ah. Alors, ok, donc, on est sur une main. La main... Mais qu'est-ce que tient cette main ? Et encore une fois, une rose. C'est une... Alors, oh, c'est pas une rose. Un livre ? C'est pas un livre. Un ordinateur, une torche. Non. Une torche, ça marche. Plus une torche dans quel sens ? Une lampe torche. Une lampe torche. Une maglite. Ouais, non. Je vous montre la main comment elle est comme ça. Elle tient une boule. Ah non, elle est comme ça même. Elle est comme ça. Une boule ? Et elle tient quoi ? Elle tient. Non, elle tient pas une boule. Une bille ? Pas deux boules. Non, pas de boule. Trois boules ? Alors. Combien de boules il y a ? Je compte. Non, pas trois boules non plus. Est-ce que c'est. Ah, c'est une framboise ? Alors, c'est pas une framboise, mais ça se mange. Fraise. Non. Est-ce que c'est un fruit ? C'est pas un fruit. C'est un chewing-gum. C'est pas un chewing-gum, mais on commence à être effectivement sur des produits transformés. Ok, est-ce que c'est pas un préservatif aromatisé ? Ça se mange pas. Si. C'est pas tu un préservatif. Tu ne peux pas le digérer. Non, bah ouais, clairement. Donc là, erreur, là. Erreur, ouais, erreur. C'est pour ça que j'ai erreur. Des... Donc, ça, non, tu mâches longtemps. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ce monde-là. Non. Ça se mange. Ça se mange. Un bonbon. Ça se mange. Ah, c'est un tuc. Alors un bonbon. Non, mais on est vraiment pas loin. Ah ouais, un bel un chips. Une chips. Une chips. Non. Et effectivement, c'est une chips. Et alors où ils sont forts, c'est qu'ils ont été très loin. J'ai mis c'est le goût que du paprika. Donc, on a cette main qui tient une chips de la marque Cheetos. Hein, si vous connaissez cette marque-là, bien sûr, populaire en Amérique du Nord. Soufflé, voilà. Et ils ont même été jusqu'à mettre des petits morceaux de la chips sur le bout des doigts, parce que c'est vrai que quand on a, se salit quoi. Et alors, j'enchaîne avec la question suivante. Donc, bravo James. Hein, c'est merci, James, bravo. Trouver, hein. La chips. Pourquoi dans ce village de 83 habitants ? C'est Cheetos Village. Eh ben, t'es pas loin du compte, en fait. Chips Village. Effectivement, je t'accorde la réponse. Ba-ba-bing. Je t'accorde la réponse parce que, effectivement, c'est parce que le village s'appelle... attends, je l'ai plus. Cheetle, que... Le service communication de Cheetos a financé dans ce village une main géante tenant un Cheetos. Et le maire a accepté, s'est dit ouais, c'est trop une bonne idée. Oh bah j'imagine qu'il devait être content, puis en plus ça lui ramène des visiteurs. Ouais, à 80... Donc, combien d'habitants, 86 ? 83 habitants. 83 habitants. Et ça se passe au Canada. Voilà. Ok, bon bah on ira. Ouais. Voir nos auditeurs de là-bas. J'enchaîne. Et ils sont nombreux. Oh oui, on pense à vous. J'enchaîne directement avec un pays qui vient seulement maintenant de rouvrir ses frontières sans aucune barrière, aucun en free quoi. La Chine. Alors non, pas la Chine. Là, je pense qu'on en aura vraiment entendu parler. La Zambie. Liban. Le Liban, Liban. Ah, non, pas mal, c'est ça. Pas le Liban, c'est pas le Liban. Non, effectivement, mais ça aurait pu être. La Zambie, c'est pas ça. Non, c'est pas la Zambie. Est-ce que c'est le Lesotho? Non, non, non. Le Burkina alors, Faso. Qui est vraiment connu. Ah, ça veut dire quoi, ça, pour le Lesotho? Non, non, mais qui... Au niveau... Je te signale qu'on a énormément d'auditeurs au Lesotho. Oui, on pense à vous. Mais les Lesothiens et les Lesothiennes qui nous écoutent, on leur dit un petit bonjour parce qu'il doit y avoir seulement une ou deux heures de décalage, donc ils peuvent peut-être nous entendre au moment du souper. Mais non, non, non, c'est un pays qui a pas mal de touristes quand même. Le Mexique. Qui avait eu 3,9 ou 39 millions de... qui avait 32 millions de visiteurs en 2019 et qui en espérait 40 millions l'année suivante. Mais non, mais c'est le Japon. Eh ben oui. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce qui t'est revenu comme ça pour... J'ai su en avance par un intermédiaire que ça allait réouvrir bientôt. Voilà. Et c'est suite au Covid, ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. C'est ça. Donc, ah ouais, les mecs sont coincés en 2021 là. Il y a plus aucune restriction. Ouais, bizarre, bizarre le Japon. Ah ouais. On l'a réveillé. Wake up. Là, ces derniers mois, tu pouvais y aller, mais il y avait quelques restrictions. De je ne connais pas. Fallait être étudiant. Et là, il y avait. Fallait avoir un travail déjà là-bas, un truc comme ça. Voilà, et les pauvres, ils ont pris cher hein, parce que. Les Japonais, Les Jeux Olympiques, c'était quand même en plein Covid, donc vas-y pour amortir le coup. Ouais, je sais pas si on réussit d'ailleurs. Bon, je ne pense pas. Mais oui, effectivement, et c'est que depuis mardi dernier que ça vient d'être ouvert. Donc, j'imagine que là, les prix pour les avions vont exploser pour aller là-bas. Et on peut vous annoncer déjà que la prochaine émission de la matinale de 18h sera en direct de Kyoto dans deux semaines. On sera en direct là-bas. Financée par Fadjet. Ouais. C'est ça. C'est et ça. Du coup, elle se passera le matin. Décalage horaire prévu, puisque les Japonais ne comprendraient pas qu'on fasse la matinale de 18h à un autre horaire. C'est vrai, oui. Et puis nous, on dort de toute façon le matin. C'est ça, mais clairement. Est-ce que vous connaissez le groupe de musique Tragédie? Oui, c'est non. Vrai non seulement je le connais, mais j'ai dîné avec eux hier soir. Mais non, avec un moustique. Exactement. On écoute Tragédie, hey ho. Le titre que vous ne pouvez pas ne pas avoir connu si vous avez vécu dans les années 2000. Ça a quand même bien 18 ans. Hein, on est bien d'accord. C'est parti. Est-ce que tu me sens? c'est juste que tu descendes. Trop longtemps que j'attends, je commence à perdre patience. J'ai appris que tu aimais ça, faire languir tous les mecs comme moi. Et celui qui s'acharnera, ça sera lui que tu choisiras. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. Touche-moi, je suis là. Tragédie, eh oh. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Vous m'avez demandé des nouveaux jingles, en voilà. Oh, mais là, on est vraiment sur de la nouveauté de... Ah, après Noël. On est clairement. 94 de Service Compris, les anecdotes de Rodolphe. Et après il parle. En fait, je sais pas pourquoi il garde ce truc, mais c'est pas grave. Les anecdotes de Rodolphe, non, c'est la continuité de la grosse fesse. Des grosses fesses, effectivement. Avec, on va partir sur le concept d'une famille en or. Vous avez connu une famille en or, hein. Oui, c'est oui. Sorti juste avant Tragédie, je crois. C'est ça. Voilà, effectivement. Et donc, on doit trouver qu'est-ce que les Français ont répondu en premier massivement lorsqu'on leur a posé une question. La question est la suivante. De quoi l'ordinateur est-il composé ? De carte mère ? Non. D'un écran ? Oui. Un clavier ? Oui. Une souris ? Oui. Il en manque deux. Des enceintes ? Non. Un tapis de souris ? Non plus. Micro ? Non plus. Caméra. De Windows ? Non plus. Système ? Alors, système d'exploitation ? Mais encore. Système d'exploitation ? Non. Mais c'est dans le système. Système C, comme Castorama. C'est carte graphique. Non, mais on est vraiment sur des éléments... Disque dur. Voilà, disque dur. Ah, il est fort. Et le dernier... Lecteur CD. Bluetooth, non, non, non, non, non, non. Là, c'est plutôt... chercher des marques américaines pour trouver Dell, le dernier. HP. Non, pas d'ordinateur, mais de ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, de Windows. Alors, non, mais pour Linux, que ça aille très vite. Mozilla. Paint. Mac. Comment pour ça aille Mac. Vite. Non, plus. Barrette de RAM. Alors, Barrette de RAM. Firefox, ça marche. Comment t'as dit quoi, Nicolas ? Firefox. Ah, Internet non. Explorer. Mozilla. Non. Google non, Chrome. Non. Google. Il y a une marque américaine très connue qui permet. Ah, une imprimante. Qui HP. Permet. Non, qui est à l'intérieur de chaque ordinateur. Vous avez même le logo. Intel. Oui. Ils font quoi ? Ah, des processeurs. Merci. Processeurs voilà. Layton. Ah, bravo. Merci. Bravo, c'est énorme. Cité. Alors, on va le faire celui-là parce qu'il y en a un, je ne sais pas qui c'est. Donc, vous allez pouvoir c'est James de sûrement. Ma gueule. Je citer connais. Une famille connue. Sachant que. On est en France. Famille connue française ? Non. C'est des gens français qui ont répondu. Comme les Kardashian alors. Je dis ça parce attends, que, citer une famille connue, c'est juste ça ? Oui. Citer des familles connues. Ouais. Pas les Français. Les Grimaldi. Mais il y a des trucs que vous trouverez jamais, quoi. Bah, les Grimaldi. Non. Les Kardashian, obligatoirement. Alors, Kardashian, non. Mais ça aurait pu. Hein, ça les aurait Roosevelt. Pu, les Mulliers. Alors, si vous m'en trouvez les un... Les petits Grégory. Si vous m'en trouvez un, franchement, allez sur sur des, des personnages. Sur des... Ah, les Bidochons. Non. Les Mickey Mouse. Mais oubliez le fait français, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a une famille qui est très connue en France. Les Disney. Et qui apparaît dans le classement. Ah, ça s'appelle sinon... comment, là? Tu sais, les Tuches. Les Tuches. Ah, ça aurait pu. Les Tuches, ah ouais, ça aurait pu, ouais, la famille Tuche. C'est vrai que ça aurait pu. La famille non. Bélier. Ah ouais. Non plus. La famille Sarkozy. Alors, la famille française. Alors, on va commencer par la famille française. La famille française, elle a été connue en France parce que c'est une famille qui, quelque part, s'est un peu déchirée. Famille Dutroux. Mais non, c'est les Hallyday. Les Hallyday. Oui, bravo. Ah, c'est pourri, c'est pas une famille. Ouais, c'est pourri. Bah, c'est quoi alors? Bah, c'est juste Johnny. Enfin, Johnny. C'est les gens proches de Johnny qui sont connus. Allumer parce que. Mais le feu. Ouais, il y a beaucoup de Johnny. Personnes qui sont. Ouais, voilà. Tout le monde connaît la famille de Johnny, quoi. Il y a bon. Beaucoup de personnes qui sont connues dans la. Il y a Amélie et David. Mais ils sont connus parce que Johnny est connu. C'est pas comme, je sais pas, les. Comme les Jackson. Je vais trouver, mais chez Jackson. Les. De quoi? Parce que t'es pas non, c'est pas ça. T'as perdu, c'est les, quoi. C'est les Kardashian, tu vois, ils sont connus parce qu'ils sont tous un peu. Je connais pas les Kardashian, donc je sais pas d'accord. Pourquoi je parle, mais. Voilà. Mais, alors, bref. Pour une. T'as une... pas le point, hein, bref. Voilà. Maintenant, partez aux États-Unis. C'est moi qui ai trouvé. C'est vrai, t'as le point. Et des personnages. Clinton. Non, des personnages. Mais là, la famille royale. Obama. Non, non plus. On est aux États-Unis ou en Angleterre? Oui, non, mais aux États-Unis. Ah, ok. Mais on connaît toute la famille. Ah oui, c'est les Osborne. Non, non. C'est pas la famille Osborne. Il y a eu un show sur eux, sur la famille Osborne. Non, non, mais c'est des dessins animés. Oui. Dessins animés. Ah, les Simpsons. Voilà. Ouais, mais oui. Et alors, tu vois, là, ils sont tous connus individuellement. C'est vrai. Là, si vous allez sur une, si vous allez sur une saga de films américains. Twilight. Non. Harry Potter. Une saga autour d'une famille. Mais c'est. Famille Adams. Voilà, bien joué. Okay. Bien sûr. Alors, les deux avec derniers. Mercredi ou vendredi, je sais pas. Les deux derniers, franchement, je vous les donne parce que je comprends pas. De la jungle, famille de la jungle. Bah oui, c'est Georges de la jungle. C'est le livre de la jungle. George, franchement. Ouais, et alors un que je connais pas du tout, c'est Kyle. Kyle. C'est quoi ça? Je sais pas. La famille Kyle. Kyle. Oui. Kyle Douglas. Jamais entendu de ma vie. Ben non, ça me rassure. Tu vois, ça me rassure. Kyle. Parce que je m'étais dit que voilà quoi. Mais bon, un petit dernier pour la route. Allez go. Dans quel mais ça on l'a déjà fait. Attends voir, je vais vous en trouver un autre qu'on n'a pas fait. C'est préparé ça. Ouais, bah oui. On dirait l'éphéméride. C'est millimétré. Mais clairement, quelles sont les choses à proscrire lors d'un entretien d'embauche? Ça veut dire quoi, proscrire? Alors, demande à Nicolas ici. Nico, proscrire, ça veut dire quoi? Proscrire. Quelles sont les choses à proscrire? C'est les choses à ne pas faire. Voilà, à ne pas faire. Ça, écoute bien, c'est pour toi, ça. Oui, parce que demain, t'as un entretien d'embauche. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire demain? C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut déjà regarder droit dans les yeux, parler correctement. Ne pas couper la parole. Ne pas lever. On va placer les plus. Ne pas lever les talons. Ouais. Alors, sur l'apparence déjà, sur l'apparence. L'apparence. Faut être sapé comme jamais. Ouais. Non, surtout pas. Faut avoir un jean, un t-shirt et. Donc sous-entendu, pas. Et un petit caleçon Calvin Klein, ça fait plaisir. Pas une tenue trop courte. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors faut ça fait partie des cinq. La costume, c'est bon. Il y a des éléments sur le corps qu'il faut éviter. Ils ont pu mettre tatouage, mais c'est pas tatouage. Balafre. Faut éviter. Mais c'est pas tatouage. C'est les piercings. Piercing Jackson. Et après, là, on va aller plutôt sur le fait de votre présentation, mais pas physique. L'hygiène. Il faut pas checker l'examinateur. Ouais, parce que checker, ça peut être. Parce qu'il peut nous donner le Covid. Ça peut être quoi? Ou la malaria. C'est pas la bise, quoi. La malaria, bien pire. C'est pas la bise, mais c'est parce que ça peut apparaître comme quoi, ça. Bah, ça la bise un peu... Familier. C'est pas amical. Familier. Alors, je vous le donne, c'est vulgarité. Pas de vulgarité. On en parlait tout à l'heure. Faut pas arriver à dire wesh, gros. Wesh, bien ou quoi? Voilà. T'as lu mon curriculum vitae ou pas? Voilà, et alors justement, tu viens de donner la réponse suivante. On ne tutoie pas. Ah mince! On ne tutoie pas. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas dans la bouche? Chewing gum. Et voilà, effectivement. Et avec ça, demain, tu vas voir, une fois que tu seras arrivé à Maxéville. Maxéville City Gang. Déjà, tu nous raconteras. Si je me réveille déjà. Quelle météo. Ah ouais, tu m'as dit que t'étais ponctuel. Mais ça, c'était avant. C'était avant de savoir qu'il fallait pas venir avec un chewing gum. C'est déjà la fin de cette émission. Merci autour de la table, James, Nicolas, qu'on ne reverra pas, donc, éphémère. Bah merci, franchement, j'ai passé un bon moment. Ouais, c'est vrai, la vérité. Bon moment, cool. 2-1-10. Bon, bah tant mieux alors. Ça part dans tous les sens. Okay. C'est ça, c'est le but du jeu. Merci beaucoup. Tu pourras t'écouter. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on ait pu nous faire. C'est le seul ça aussi. Ça part dans tous les sens. C'est vrai que c'est la première fois qu'un stagiaire nous fait un compliment. Ouais, ouais, première fois qu'il nous parle. On va te garder en fait. Va pas, Maxéville. T'auras des stickers dès demain dans ta boîte aux lettres. Ça. Merci Jocelyn. Mais de rien, Tristan. La semaine prochaine, à la même heure, c'est la voisinade. Il paraîtrait. Ouais, de Guélon. Et nous, on revient dans 15 jours. Et oui, mais on revient bientôt finalement. Ça va avec vite. Un nouveau stagiaire. On ne vous en dit pas plus, mais alors, c'est pas n'importe quel stagiaire. Ah non, il est en train d'être créé en ce moment. Mais et son signe astrologique. Aïe, nous verrons ça dans 15 jours. Je ne connaissais pas. Non, mais bon. À nouveau, bon. Allez, ciao, des bisous. Au revoir. Bisous. Ciao.